les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient tout pour un bon mot, celui qui éclairera le mystère des choses, la clé des grandes métamorphoses. Les écrivains se moquent de dire vrai, mais donneraient leur vie pour dire beau, et quand ils nous conduisent au bout de la nuit. Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin au micro pour la prochaine heure pour sa compagnie. Bouquins et Confidences, c'est quand même assez simple comme concept. Pendant une heure, on parle des coulisses du monde du livre. Et cette semaine, je suis accompagnée de Dominique Bellavance. Bonjour Dominique. Bonjour Julie. Donc, tu es auteur. Oui. Et on va parler avec toi, oui, de ta carrière d'auteur, mais aussi on va parler de l'auto-édition parce que tu es quelqu'un qui connaît bien ce domaine-là. Tu t'es auto-édité quelques fois, dont une fois qui vient tout juste de sortir, quelque chose qui est tout chaud. Exact. Comment écrire plus? Oui. Donc, ça fait déjà 15 ans que tu es dans le domaine, que tu es écrivain, c'est ça? Oui. Depuis, en fait, j'ai publié mon premier livre en 2005, mais j'ai commencé à écrire avant ça, évidemment. Ça fait que, ouais, environ ça, à peu près une quinzaine d'années. Et là, dans Comment écrire plus, tu nous donnes des conseils que tu aurais aimé avoir au début de ta carrière. Ah oui. Ben, c'est des conseils surtout de gestion du temps et de méthode de travail pour apprendre à profiter mieux du temps que tu as pour écrire. Parce que quand on commence à écrire, souvent on se dit pas, ben, je lâche ma job et j'écris mon livre. Ben, il y en a qui se disent ça, mais faites pas ça, s'il vous plaît. C'est plus, on va garder notre travail à temps plein. Et mettons qu'on a une petite heure le soir ou une petite demi-heure durant la fin de semaine, on va en profiter pour écrire son roman. On n'a pas beaucoup de temps au Québec, surtout au Québec, vu que le marché, il amène pas des gros revenus, c'est qu'il faut garder sa job. Donc, ce livre-là, il va enseigner essentiellement à profiter au maximum des quelques petites heures que tu arrives à grappiller à gauche et à droite. Là. Donc, c'est 50 conseils. Moi, je l'ai lu dans les derniers jours parce qu'il est tout chaud. Hein? Je pense qu'il est sorti la semaine passée. C'est ça, ouais, une semaine et demie environ. Oui, c'est ça, il est tout chaud encore. 50 conseils, j'ai trouvé ça intéressant parce que on s'était rencontrés aussi en janvier, tu nous l'avais dit à la première loge. Dans le fond, ces conseils-là, c'est pas pour écrire mieux, c'est vraiment pour écrire plus. Non, donc, si on écrit pas bien, bon, on va juste écrire plus de pas bien. C'est ça. Fait que c'est pas des conseils pour une structure d'histoire. Oui, t'as quand même des conseils pour ça, mais c'est pas la base. La base, c'est beaucoup plus l'économie de temps. Comment faire pour avoir 90 minutes dans 60 minutes? Ouais. C'est un peu ça ton slogan, finalement. 90 minutes dans une heure. Oui, c'est ça. Que ça soit cohérent, entre guillemets. Mais oui, ce que tu dis là, je le dis dans l'introduction. J'ai comme une introduction en 10 parties qui dit pourquoi ne pas lire ce livre-là. Puis dont une des raisons, c'est ça. Je dis, tu sais, si tu écris un mauvais livre, là, tu vas juste l'écrire vraiment plus vite. Là, puis c'est nous autres qui va écoper ça, que s'il te plaît, lis pas mon guide. Puis, c'est exactement ça. Parce que des livres sur des, tu sais, du type atelier d'écriture qui apprennent à mieux écrire, il y en a plein, puis il y en a dans beaucoup de styles différents. Il y en a qui vont juste, il y a beaucoup d'essais, mettons, qui portent sur l'écriture en général, mais un petit peu plus, un petit peu plus spirituel, si on veut, là, pour la, non, mais dans le sens où ils vont parler de philosophie d'écriture, pourquoi écrire, ces choses-là. Il y en a quelques-uns, mais c'est plus dans le monde anglo-saxon que j'ai vu, qui portent sur l'écriture avec la mécanique, les rouages. Ben, je pense entre autres en français, le guide comment écrire des histoires d'Elisabeth Von Arbour. Ça, c'est le livre numéro un qui me vient en tête. Où il y a aussi Écrire et publier au Québec, la littérature de l'imaginaire, publié au Six Brumes. C'est un autre livre qui parle des engrenages d'écriture. C'est drôle que tu parles de ces deux livres-là, parce que c'est des livres qui ont été recommandés quelques fois depuis le début de Bouquins et Confidences, et c'est la cinquième émission. Oui, donc, ben, c'est quand même des classiques qui reviennent souvent. C'est des classiques, c'est des livres qui reviennent souvent. Ben, que le deuxième que j'ai mentionné, il est tout récent, il est sorti l'année passée. C'est qu'avant, on pouvait juste référer le guide d'Elisabeth Von Arbour. Maintenant, on a deux à référer, mais les deux, ils couvrent des choses complètement différentes. Le guide d'Elisabeth Von Arbour, c'est vraiment... Tu veux apprendre à écrire une histoire, donc voici, tu sais, un narrateur omniscient, c'est quoi, un narrateur au jeu, comment parler du point de vue, c'est l'écriture, alors que le livre publié au Cibrume, qui est écrit et publié au Québec, c'est juste dire aux extrêmes débutants dans quoi tu t'embarques. Tu sais, c'est quoi, comment tu vas soumettre ton manuscrit à une maison d'édition, un peu comment écrire, c'est quoi une bonne routine d'écriture, un contrat d'édition, ça ressemble à quoi. C'est un cours d'introduction qui s'adresse aux novices. c'est des choses qu'on sait pas, hein. Comment ça fonctionne un contrat d'édition? C'est pas de ça qu'on va jaser aujourd'hui, mais ouais. Ça fait partie des choses de base qu'on sait pas quand on se lance là-dedans. Ben on non. Se dit, ah, j'ai une idée, j'ai une histoire, je vais l'écrire, mais après, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça, tu sais, dans ce guide-là, ils vont expliquer c'est quoi la différence entre une session et une licence. Est-ce que tu sais la différence entre une session et une licence, Julie? Je pense que oui, mais je vais te laisser l'expliquer. OK, ben, une licence, c'est que tu vas donner certains droits de publication. Mettons, tu vas dire, dans cette licence d'édition-là, je vais donner tous les droits pour publier au Québec en langue française pendant 5 ans. Tu vas vraiment énumérer ce que tu donnes. Alors qu'une session, c'est un peu l'inverse. Tu vas donner par défaut tous tes droits et tu vas dire ce que tu donnes pas. C'est que les éditeurs, souvent, sont plus intéressés à avoir des sessions parce que ça leur donne plus de droits sur l'œuvre, mais aussi plus de pouvoir sur l'œuvre pour, mettons, la faire traduire ou la faire adapter. Alors que les sessions, les licences, pardon, c'est plus avantageux, entre guillemets, pour l'auteur. C'est que l'UNEC va beaucoup recommander les licences. L'UNEC, qu'est-ce que c'est? Qui est l'Union des écrivains et des écrivaines québécoises. Alors que, ben, j'imagine que les associations d'éditeurs vont recommander les sessions, là. Ouais. Okay. Alors, on apprend ça dans ce guide-là, entre autres. Ben, c'est des choses qui sont super intéressantes. Puis là, tu parles, mettons, de 5 ans, par exemple. Je sais qu'il y a des contrats, des fois, où est-ce que c'est à vie aussi, là? C'est le genre d'affaires qu'il faut refuser absolument parce que c'est de l'abus, là. Hey, écoute, ben, ça dépend. Si c'est Gallimard, la collection blanche, pourquoi pas? Ouais, d'un peut-être sens, que t'as envie de leur faire confiance, puis tu te dis, OK, pour la vie, c'est correct, là. Ouais, ben, peut-être. Ouais, ça dépend vraiment c'est qui. C'est sûr que pour la vie, là, c'est un gros engagement, là. Tu sais, il faut que tu te demandes pourquoi l'éditeur veut te faire signer pour la vie. Parce que les éditeurs qui te signent pour 5 ans, souvent, il va y avoir une clause de reconduction qui dit que si t'es satisfait de leur service, le contrat va être reconduit pendant un autre 5 ans, à moins que tu envoies une lettre recommandée disant que tu ne veux plus renouveler le contrat. Donc, une maison d'édition qui se respecte, d'après moi, va quand même faire des licences ou des sessions d'une période déterminée en se disant, si je fais un bon travail, l'auteur va renouveler. Ouais, alors, il n'y a pas de raison vraiment de demander avis. Les éditeurs que j'ai entendus qui demandaient des contrats à vie, c'était des drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, là. Ouais, c'est ça. Faut se méfier de ça. Ouais, faut se méfier. C'est ça. Faut se méfier de ça. Mais c'est des genres de choses qu'on sait pas. Puis des fois, on se dit, ah, la personne, l'éditeur, il veut avoir mes droits pour la vie. Donc, on a une relation pour la vie. Ben, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Tu penses que c'est standard. Puis tu te dis, ah, l'éditeur, il aime vraiment beaucoup ce que j'ai écrit pour me demander un contrat à vie. Non, c'est pas une bonne chose. Mais c'est super intéressant de discuter de, justement, comment ça fonctionne. Puis c'est vraiment ça que je veux faire tout l'été, d'expliquer vraiment les coulisses avec les gens. J'aimerais ça revenir un peu à ton livre, oui. En fait, comment écrire plus, dans tes conseils. Il y a quand même des conseils pour qu'on écrive de meilleures histoires, pareil, dans le sens que, comme passer tes personnages en entrevue ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Oui, c'est jamais des conseils qui s'adressent aux absolus débutants. Ouais, c'est je vais jamais commencer par dire comment ça marche un personnage, comment ça marche une intrigue qui fonctionne. Ça va toujours être un petit peu plus loin pour tu as déjà ta base sur les personnages et sur l'intrigue. Fait que oui, un des conseils que je donne, c'est passer tes personnages en entrevue. Ça, c'est un peu un petit chapitre ludique. Je dis mettons, tu es en train de faire ton plan, là, t'as 5 personnages qui sont tes personnages principaux. Là, ton histoire, tu sais pas encore où ça s'en va vraiment. Mettons, t'as une méchante directrice d'école là, dans les personnages. Fait que là, tu t'imagines que tu t'assois en face, tu passes en entrevue comme si c'était une entrevue de travail pour l'engager dans ton histoire. Puis là, tu lui poses des questions, puis tu retranscris l'entrevue dans ton ordinateur et tu la fais parler comme ton personnage va parler dans l'histoire. Fait que pendant cette entrevue-là, tu vas essayer de la piéger parce que tu veux savoir est-ce qu'elle va apporter vraiment quelque chose à ton histoire. Puis en même temps, en inscrivant ses réponses, ben, tu découvres un petit peu sa voix. Parce que des fois, elle va te dire pas la vérité. Des fois, elle va essayer de d'amener la discussion ailleurs parce qu'elle veut cacher des choses. C'est un peu ésotérique ton affaire quand même. C'est un peu comme si tu avais 2 personnalités finalement. T'as comme ta personnalité de ton personnage et t'as la tienne comme auteur. Ben écoute, Julie, être auteur, c'est ça. C'est ça, OK. Ben, oui, c'est un petit peu, on est tous un peu schizophréniques quand on est auteur. Ben oui. Écoute, l'une des principales qualités des auteurs, je trouve, c'est d'être capable de se mettre dans la peau de n'importe qui. Écoute, l'exemple classique que je donne dans cette situation-là, c'est quand j'ai vu George Lucas en entrevue à la télévision, il disait, Darth Vader, tout ce qu'il voulait, c'est ramener l'ordre dans la galaxie. Lui, tu sais, à ses yeux, il fait le bien. Et quand t'écris, c'est lui, quand il écrit pour Darth Vader, de dire que c'est un bon scénariste, c'est un autre débat. Mais, lui, il se met dans la peau de Darth Vader, puis il faut qu'il trouve les motivations à lui. Et moi, c'est pareil, quand j'écris mes histoires, j'ai des méchants dans mes histoires souvent, mais c'est pas le méchant qui veut faire du mal puis conquérir le monde. Non, il faut qu'il soit cohérent. Donc, il faut vraiment que je me mette dans sa peau, que je pense comme lui. Et ça demande vraiment de me mettre dans ses shorts-là. Vraiment. Donc, de faire cet exercice-là, l'entrevue avec ces personnages, oui, tu sais, faut, c'est de commencer à faire cet exercice-là, de se mettre dans la peau de l'autre. Comme ça, c'est pas. C'est juste la préparation, c'est préparatoire au travail qui s'en vient dans l'écriture du roman. OK. Mais n'empêche que c'est ça, c'est quand même. Moi, je lisais ça, puis ça me faisait quand même rire un peu. J'imaginais vraiment la discussion avec ton personnage, puis c'est ça, en fait, qu'il faut faire, mais c'est ça, je dis ça, ça me fait juste rire, mais c'est pas un jugement, puis je trouve que c'est une bonne idée de le faire de cette façon-là. Une chose que j'aime beaucoup dans ton guide, c'est qu'il y a différentes parties, comme plein de guides, finalement. Mais chacun de tes 50 trucs, je sais pas, je l'ai dit depuis le début, mais il y a 50 astuces, en fait, que tu nous partages, 50 conseils d'auteur. Chacun est noté. Il y a une notation avec des étoiles. Donc, généralement, c'est de 1 à 3. Il y a un des conseils qui est à 5 étoiles. Oui. Mais le reste, c'est de 1 à 3. Je trouvais ça brillant aussi de nous montrer ça, pour nous montrer les trucs qui sont vraiment beaucoup plus importants, qui ont une plus grande valeur, peut-être une plus grande portée pour aider les auteurs, finalement. Oui. Moi, je me suis inspiré des guides Michelin pour faire ça. Des guides de voyage Michelin. Ben oui, c'est mettons, tu t'en vas à Paris. Ben là, ils vont dire, ben, visite le musée du Louvre, c'est un incontournable. Ils vont mettre 3 étoiles. Ben oui, évidemment, 3 étoiles pour le musée du Louvre. Mais là, ils vont avoir un petit café dans une rue un peu perdue qui, ah oui, goûter leur steak. Non, pas d'un café. En tout cas, goûter telle affaire, c'est super bon. Ils vont mettre 1 étoile, mais ils l'ont mis quand même dans le guide. Tu sais, pourquoi ne pas mettre seulement que les 3 étoiles? Parce que des fois, tu as envie de varier un petit peu ton expérience. Mais dans mon guide, les guides 3 étoiles, c'est des... Les conseils 3 étoiles, c'est des conseils... assez, j'aime pas le mot incontournable, tout se contourne, mais c'est des conseils qui vont faire une très grande différence, mais qui vont demander un grand investissement cognitif, souvent financier aussi. Par exemple, au début, je dis, un des premiers trucs, c'est achète un bon ordinateur. En fait, c'est ton premier. C'est le premier, c'est ça. C'est ça. Mettons que t'as un ordinateur pourri, là. Tu sais, t'ouvres Word, ça prend 15 minutes à ouvrir. Ton ordi n'est pas capable de supporter ce logiciel-là, ça plante tout le temps, tu perds du travail, tu perds une heure de job parce que t'as écrit, t'as oublié de sauvegarder, ça a planté parce que ton ordinateur est trop lent. Écoute, investis là 1000, 1500, peut-être 2000 piastres, tu vas peut-être doubler ta productivité, là, dépendamment de quoi tu parles. Là. Ça vaut la peine, sauf que ça demande un investissement de 1000, 1500, 2000, mais ça vaut vraiment la peine. Alors que passer tes personnages en entrevue, ça, c'est un peu ludique. Ça peut apporter un effet bénéfique. Ça peut être, tu peux te rendre compte aussi, bah, finalement, ça donne rien. Fait que lui, je l'ai peut-être mis 1 ou 2 étoiles, là, ce truc-là. D'après moi, c'était un. Mais les trucs, 1 étoile, même s'ils apportent des effets mineurs, souvent sont très, très faciles à appliquer. De là, leur présence dans le guide. Donc, c'est pour ça que je les inclus tous. 2 étoiles, c'est vraiment à mi-chemin entre les deux. Parfait. Puis celle-là de 5 étoiles, ben c'est, en fait, on va le dire, c'est d'écrire. Ben oui, parce c'est, que c'est la base là pour être auteur. Ben il faut écrire. Ben parce qu'il faut pas que les 49 conseils qui précèdent soient des raisons de procrastiner. T'sais, j'ai déjà passé par là. Des fois, on veut trouver des trucs d'écriture pour nous améliorer. Puis ah ben je vais installer tel logiciel puis je vais l'essayer. Ah je vais faire des fiches de personnages. Ah je vais compléter un peu ma trame de fond pour m'avancer dans mon plan, mais tout ça, oui, tout ce travail-là est utile, mais des fois, on dépasse une limite, en guillemets, acceptable, où on serait vraiment mieux d'écrire plutôt que faire ça. Parce que le roman, il se réécrira pas tout seul. Non, si on décide jamais d'enchaîner un mot après l'autre, ben, on va se ramasser avec un plan éternel, des fiches de personnages éternels, puis il y a beaucoup d'auteurs débutants qui sont pris dans ce maelstrom-là de préparatifs qui sont trop insécures pour le commencer, ce roman-là. C'est que c'est important de franchir cette étape-là puis de commencer à l'écrire. De toute façon, on se rappelle que quand on écrit un livre, on fait un premier jet pour commencer. Hein, c'est pas prêt à publier. Non. Donc, c'est correct de se mettre à écrire, de coucher ça sur papier ou sur écran ou peu importe. Et après, on réécrit, puis c'est correct. C'est pas nécessaire d'avoir le plan du tonnerre et les fiches de personnages complexes, puis tout ça, en effet. Mais en même temps, j'imagine que c'est des choses qu'on se fait dire aussi quand on débute. « Ah, faut que tu fasses ça. » Donc là, les auteurs débutants, justement, vont le prendre, ils vont le faire, mais ils peuvent peut-être exagérer un peu là-dedans. Ben, tout ça, ça dépend vraiment du projet. Je vais penser, mettons, au roman historique. Ça, ça prend énormément de préparation. Puis il faut pas que tu passes à côté, parce que sinon, tu vas dire n'importe quoi. Dans, par exemple, le plan. Tu sais, le plan, là, tout le monde est tellement polarisé là-dessus. Là. Il y en a qui ne jurent que par le plan. Il y en a qui disent, le plan, c'est un frein à la, c'est un frein à la créativité. Parce que tu peux pas écrire. T'sais, si t'écris en ayant tout prévu d'avance, ça sert à quoi d'écrire? Donc, c'est carrément ça, le raisonnement. Je comprends ce qu'ils veulent dire. J'en parle du plan dans mon guide, mais l'essentiel de ce que je dis, c'est oui, tu peux en faire un, oui, tu peux ne pas en faire, voici les avantages d'en faire, voici les avantages de pas en faire. La seule chose d'importante, c'est de te demander s'il faut que tu en fasses un. Faut que tu te poses la question, puis que tu pèses le pour et le contre. Parce que moi, j'ai écrit des romans qui avaient, t'sais, mes romans dans la série Les Clowns Vengeurs, là, c'est de la science-fiction avec, tout mène vers une chute dans les deux livres. Écoute, c'était prémédité de A à Z, ces deux livres-là, tout était... Chaque mouvement doit des personnages quasiment était prévu d'avance. Là. J'exagère à peine. Alors que d'autres romans, comme Toi et moi, c'est compliqué de des Bienvenus à Spamville, c'est de l'improvisation là, totale. Et ça a amené une belle folie dans ces livres-là, d'ailleurs, le fait que j'ai improvisé. Alors que si on parle de brin de folie, il n'y en a pas vraiment dans Les Clowns Vengeurs, c'est un autre genre totalement. Ça dépend du projet. Moi, tu sais que j'ai pas lu Les Clowns Vengeurs. Hein? Non, parce que ça. Non, faut pas. Non. Si t'as peur du sang, je te conseille. Non, ça. C'est ça. Fait que j'ai pas lu ça, mais Bienvenue à Spamville, c'est très bien. Par contre, je le recommande souvent. On rit beaucoup. Donc, oui, tes trucs, c'est super varié. Moi, j'ai dévoré ça, puis il n'y a pas à dire. Moi, je suis pas. J'écris un peu, mais j'ai aucune intention de publier. Un livre, là, j'ai quand même un petit roman en cours, là, des fois que je m'occupe un peu, là, j'ai mon histoire en tête, puis tout ça, puis des fois j'écris un peu là-dessus. Mais il y a quand même des trucs là-dedans que je me disais qui sont utiles, même si on n'écrit pas. Mm-hmm. Il y a quand même des trucs qui sont utiles pour tout le monde, finalement, comme le logiciel pour gérer ses tâches. J'ai trouvé ça super intéressant, ce qui a été expliqué par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Ben oui. En fait, moi, j'ai commencé à utiliser ça, pas nécessairement pour l'écriture. C'est parce que moi, j'ai un cerveau qui marche pas bien. Tu sais, il oublie, c'est un cerveau de poisson rouge, là, j'oublie tout n'importe quand. S'il faut, tu sais, juste la question des vidanges, là, sortir les vidanges le dimanche, faut que quelqu'un me le rappelle, sinon j'y penserais pas. Là. Moi, c'est ça. J'ai un petit fond d'angoisse dans la vie, et quand j'ai trop de choses dans mon cerveau, tu sais, en attente, si on veut. Là, je me demande tout le temps, par exemple à l'université, là, tu sais, t'as 15 travaux là, en cours, puis des devoirs à remettre. Là, je me dis tout le temps le soir, bon, là, je devrais travailler sur quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je remette en premier? Puis je le sais jamais. C'est que là, il faut que j'aille revoir mes syllabus, mon agenda, puis que je trouve mon travail à réaliser en priorité. Mais quand tu utilises un logiciel de liste de tâches, tout se simplifie énormément. Dès que tu reçois, tu sais, il faut que tu aies une discipline de rentrer toutes tes tâches au fur et à mesure que tu reçois. Mais mettons que tu es à l'université, tu reçois un travail par le professeur qui est de faire une production écrite pour le 15 décembre. Et tu ouvres ton logiciel de gestion de tâches dès que tu arrives à la maison. Tu rentres la tâche, mettons, remettre mon travail de production écrite. Tu rentres la date 15 décembre et tous les attributs nécessaires à cette date-là. Mettons, tu peux dire, il va être dans tel cours, ça va prendre 3 heures à faire. On peut détailler à ce niveau-là. Et tu vas avoir tout. Ça va se classer, évidemment, en ordre de remise. Fait que tu vas savoir que ce travail-là va être remis juste en décembre. Si t'es en septembre, mais c'est pas encore le temps de travailler là-dessus. Tu vas plutôt voir apparaître en premier les travaux qui sont à remettre fin septembre, début octobre. Donc, ça permet vraiment de faire une priorité dans tes choses. T'arrêtes de te demander tout le temps, là. T'sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Ton logiciel va te le rappeler. C'est que ton cerveau, c'est comme si tu ouvrais le gestionnaire des tâches là, dans Windows, dans Mac, puis t'effaçais tout ce qui prenait beaucoup de mémoire. C'est que là, ton ordi va plus vite après. Moi, les logiciels de gestion de tâches, c'est vraiment comme ça que j'y vois. Tu te libères l'esprit. Quand tu as besoin de te demander qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu t'en vas voir ton logiciel plutôt que d'essayer de te demander j'en suis où. C'est sûr que tu deviens un peu dépendant à ce logiciel-là, mais avec ton monde connecté aujourd'hui, c'est rare que tu n'aies pas accès à cette information-là quand même. Je pense que c'est bon d'en profiter. le plus possible. Et, excuse-moi, oui. tu disais que tu as ces différents logiciels. C'est ça que tu parles dans ton chapitre. Tu dis que tu as ces différents logiciels pour finalement trouver celui qui te convient vraiment. Tu donnes le nom du logiciel et tu n'es pas payé pour ça. Là. Tu donnes vraiment tes trucs personnels parce que c'est ceux qui marchent pour toi. Ouais. Donc, tu expliques vraiment, ben moi, ce logiciel-là, ça fonctionnait pas parce que il y avait cette limitation-là. Celui-là, ben il est pas tellement beau, mais il fonctionne super bien. Oui. Puis en effet, je peux le dire, moi aussi, je suis allée, j'ai essayé ça en fin de semaine. C'est vrai qu'il est pas tellement joli là, comme logiciel. On s'entend que maintenant, en plus, il y a des applications puis des sites web qui sont vraiment beaux dans la vie. C'est très, très simple comme c'est ça comme couleur puis tout ça, mais en même temps, c'est donc bien efficace finalement. Ah oui, là, oui. Je voyais déjà tout le potentiel de ça, puis je veux vraiment m'y mettre. Puis aussi, une chose que j'aime beaucoup, c'est que tu nous dis qu'il faut, oui, rentrer ses tâches. Oui, tu es assez guidé par ça, mais il faut aussi faire une revue hebdomadaire là-dessus. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien fait mes affaires? Est-ce que tout est à jour? Est-ce que j'ai bien transféré toutes mes tâches? Il faut quand même que tu t'en occupes aussi. Là. Tu peux pas juste les rentrer une fois, puis après ça, tu t'en occupes plus, puis c'est fini. Là. Ben, c'est ça. C'est pas tout seul. Là. Non, c'est ça que la plupart des gens vont faire en s'ouvrant un compte de liste de tâches. C'est qu'ils vont le remplir de tâches pendant deux journées, justement, peut-être. C'est peut-être une raison de plus pour procrastiner, c'est remplir J'allais sa liste de tâches. Mais c'est ça, une fois que la liste de tâches est pleine, faut la consulter souvent. Faut s'assurer qu'elle est à jour, comme tu dis. Et faut s'en servir dans la vie de tous les jours, là, justement, l'intégrer dans sa routine. Et un des trucs que j'ai lu dans un autre livre, c'est justement de faire une revue hebdomadaire le vendredi soir ou le lundi matin, ou bien en finissant la semaine ou en la commençant. On regarde toutes les tâches, on regarde si on en ajoute d'autres, qu'est-ce qui va être la priorité de la semaine suivante ou durant la semaine en cours. Et on établit qu'est-ce qu'on va faire durant la semaine. Et là, ça devient très utile dans ce temps-là. Et vu que c'est une application web, moi, ce que je suggère, c'est de prendre un onglet puis de l'épingler dans le haut de son navigateur, comme dans Chrome ou dans Safari. Comme ça, on l'a toujours dans la face. Là. Ça ne s'en va jamais. Oui, en effet, c'est très utile, ça, l'épinglage d'onglets. Sinon, tu as différents conseils, même pour la réécriture, pour les bêta-lecteurs. Au niveau des bêta-lecteurs, c'est quoi exactement un bêta-lecteur? Un bêta-lecteur, c'est une fois on a fini... Quand, mettons, on a passé à travers du premier jet et de la réécriture, on est vraiment sur le bord de publier notre livre, là, de l'envoyer aux éditeurs, on peut avoir une étape supplémentaire qui est d'envoyer notre manuscrit à des lecteurs de test qui vont lire, qui vont nous faire des commentaires. C'est vraiment des gens qui vont se rapprocher du public cible, là, à qui on envoie, à qui le livre est destiné. Ils vont le lire chacun de leur côté. On peut en avoir un seul ou on peut en avoir un groupe. Et après ça, on s'assoit avec eux autres et on demande... Comment t'as trouvé mon histoire? Comment je pourrais l'améliorer? T'as-tu deviné mon punch trop vite? On demande des suggestions d'amélioration, mais c'est pas un directeur littéraire. Je sais que Pascal Roux avait parlé de la direction littéraire, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu lis dans mes pensées, je m'en allais là. Ouais, il y en avait parlé de la direction littéraire, mais un bêta-lecteur, c'est pas tout à fait ça. Un directeur littéraire, oui, il va t'orienter sur... il va te poser beaucoup de questions. C'est un professionnel qui va faire des bonnes suggestions d'amélioration. Alors qu'un bêta-lecteur, dépendamment de qui tu prends, c'est pas nécessairement un professionnel. Faut que tu décodes les conseils qu'il va te donner pour essayer de deviner c'est quoi le réel problème caché sous le commentaire qu'ils vont te donner. Et ça va varier beaucoup selon le profil de lecteur avec qui tu vas travailler. Oui, d'ailleurs, tu l'abordes ça aussi dans ton livre... les différents profils justement qu'on peut avoir, la personne qui connaît vraiment ce genre littéraire-là, la personne qui connaît pas ça du tout, la personne qui lit beaucoup, la personne qui lit presque pas. Il y a différentes personnes. Dans le fond, il y a aussi les gens qui sont dans ta famille bien proche, qui des fois peuvent avoir un peu plus de difficulté à te dire les vraies choses finalement. Ouais, c'est ça. Parce que pour eux, c'est admirable parce que tu as écrit tout simplement puis il y a aucun défaut là-dedans. Ben, ils veulent pas te faire de la peine. Mais non, mais c'est ça. Des fois, ils sont pas assez... je sais pas, objectif. Oui, il manque un peu d'objectivité avec les membres de la famille. C'est normal, tu sais, le monde ne veut pas, entre guillemets, se cochonner là, en famille. Puis c'est bien correct, mais si on veut un commentaire critique, c'est peut-être pas là où on va le chercher vraiment. Donc, avoir un bêta-lecteur ou des bêta-lecteurs, ça permet de faire une révision, finalement, d'améliorer encore le manuscrit avant de le soumettre à des éditeurs potentiels. Ben, c'est une étape supplémentaire de contrôle de qualité. C'est pas tout le monde qui en fait. Moi, il y a plein de projets que, je l'avoue, j'ai pas utilisé de bêta-lecteur. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que j'ai préféré avoir tout de suite l'avis d'un directeur littéraire parce que je me disais, c'est rare quand même des bêta-lecteurs qui sont vraiment compétents là, pour te diriger dans ton projet puis te donner des bons conseils qui vont améliorer beaucoup ton œuvre. Il y a des auteurs que je connais qui ont vraiment leur bêta-lecteur fétiche qui l'enverront. Jamais qu'ils vont soumettre un manuscrit de maison d'édition sans l'envoyer à ce lecteur-là. Là. Mais c'est ça. Ça dépend du projet. Ça dépend des vues. Comme pour Comment écrire plus, ben j'avais une excellente bêta-lectrice qui est José Marcotte, qui était aussi ma réviseur. Et qui est aussi ta conjointe. Qui est aussi ma conjointe. Et c'est ça. Elle, non seulement elle révisait le manuscrit, mais des fois, quand il y a un petit chapitre qui fonctionnait pas, elle me disait, ça, j'aurais peut-être de quoi te dire là-dessus. C'est qu'on s'assoyait et on discutait d'un problème dans un chapitre, puis on discutait des solutions potentielles, puis on le corrigeait. C'était très, très pratique comme relation. Il y a des conseils aussi que tu donnes qui sont des choses vraiment de base, mais qu'on a besoin de se faire rappeler des fois, comme de faire de l'exercice. Ouais. C'est toujours une bonne idée. Je me suis dit que ça surprendrait sûrement les gens de voir ça dans un guide d'écriture, de faire de l'exercice, mais écoute, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Hein. Si le corps n'est pas en forme, ben l'esprit ne marchera pas à 100%. Si on veut écrire à 100%, il faut que l'esprit fonctionne à plein régime. Mm. Donc, c'est important. Tu sais, là, je dis ça. Tu sais, je suis tellement hypocrite. Là. J'en fais pas d'exercice. Ben là, quand même. Faut que j'en fasse un peu plus. Oui, t'es pas le plus grand sportif de l'histoire de l'humanité, non. Mais t'es quand même quelqu'un d'actif, là. Ben, ça dépend quelle saison qu'on est. Mais bon, quand même. OK, l'été, j'en fais un peu plus, là, mais ben, au moins, je le dis dans le guide. Là, j'essaie d'en faire plus de sport, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais oui, les périodes où que je fais vraiment beaucoup d'exercices, je me sens plus alerte derrière le clavier, puis ça va mieux l'écriture, mais j'ai de la misère à me conditionner, à m'en souvenir chaque fois. Là. Il faut toujours que c'est toujours un travail à refaire. Là. Ah, c'est vrai, il faut que je me fasse un programme d'exercice. Faut que j'aille au gym, faut que je fasse du sport pour. Puis ça paraît, là. Même si je prends une demi-heure chaque jour pour faire de l'exercice, je perds pas une demi-heure d'écriture. Je vais en récupérer 45 minutes là, en productivité derrière le clavier parce que je vais avoir l'esprit clair, mes pensées vont être très claires une fois que je vais avoir fait mon programme. Faut le faire. Moi, ça m'aide aussi à réfléchir. Oui, ben oui. Des fois, quand je suis bloquée dans quelque chose, le fait de bouger, le fait de faire autre chose aussi, mais le fait de bouger, ça m'aide à réfléchir. Donc, j'imagine que si t'es bloqué par rapport à un personnage, à un moment donné, tu frappes un mur avec ton manuscrit pour une raison X, il y a quelque chose qui a changé, puis ça fonctionne plus, donc t'es bloqué. J'imagine que de faire du sport, ça t'aide à réfléchir aussi. Ben oui, juste prendre une marche, ça peut être utile. Tu sais, prendre une marche, ça fait partie de l'exercice, tant qu'à moi. Oui, oui. Tu prends l'air, tu regardes les oiseaux, tu écoutes un peu de musique. Prendre une marche, c'est un très bon conseil d'écriture. Là, quand t'es bloqué, prendre une douche aussi. Ou aller travailler dans un café. T'sais, juste le fait de prendre une marche avant d'aller travailler dans le café, t'as fait un petit peu d'exercice, ça t'éclaircit l'idée. Puis l'exercice, ça amène des bonnes hormones qui font marcher le cerveau mieux. Puis café, tu disais ça aussi, parce que des fois, de changer de lieu... Ça nous donne une nouvelle perspective, puis ça nous aide à travailler aussi plus efficacement. Là. Ah oui. C'est sûr qu'être au café, des fois, ça dépend des gens, là, mais des fois, d'être à l'extérieur comme ça, on écrit et on ne pense pas au fait qu'on a du lavage à faire, puis qu'on a de la bouffe à faire, puis qu'on a plein de choses à faire. On se concentre sur ce qu'on a à faire. C'est ça, on change de paradigme aussi en changeant de lieu. Ouais. Quand tu es à la maison, exactement, toutes les options sont ouvertes pour faire du ménage, pour... toutes les tâches, besoins de la maison sont actives, vertes, tu peux cliquer dessus et les faire, alors que quand t'es dans un café, t'as pas le choix d'être là, puis en plus, tu payes pour être là. Mm. Parce que si tu restes là 3 heures, tu prendras pas juste un café. Là, moi, j'essaie d'en prendre un à l'heure là, pour être correct. C'est quand même un bon conseil aussi, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des endroits qui acceptent pas vraiment les gens qui travaillent avec leur portable, justement, parce que pour eux, c'est bon, qu'il va rester là pendant 5 heures, mm-hmm. puis il va consommer un café. Mais sinon, moi, un de mes trucs, c'est d'aller à la bibliothèque. Oui. Moi, j'ai tendance à faire ça beaucoup. J'y suis presque tous les jours pour travailler, parce que justement, ça me permet de me concentrer. Oui. J'ai rien d'autre à faire pendant que je suis là-bas. Là. Exactement. Puis je peux pas jaser avec les gens autour, là. C'est silencieux, les bibliothèques. Là. C'est vrai, c'est un bon point. C'est que je travaille... parce que moi, en café, je trouve ça un peu plus difficile parce que je suis distraite facilement par les conversations autour de moi. Ah, OK. C'est très personnel, mais je sais pas, je suis comme attirée à écouter qu'est-ce qui se passe à côté. C'est comme si, malgré moi, même si je veux pas entendre, mais je veux pas écouter, j'entends pareil. T'as pis, pas d'allure. Mais je le sais. Mais c'est ça. Mais au moins, je le sais, puis je vais travailler à la bibliothèque à la place. Hey, l'heure avance, on va aller en pub dans quelques instants. Puis en revenant, j'aimerais ça qu'on discute avec toi parce que d'auto-édition, parce que c'est entre autres pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Parce que Comment écrire plus, c'est un livre qui est auto-édité. Oui. Mais il y a des livres en maison d'édition régulière. Ouais, je suis hybride. Oui, c'est ça, c'est qu'on va en discuter dans une minute. Restez là, bougez pas.